Quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire du football dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, le documentaire. Le 27 mars dernier, David Bellion, ancien joueur et directeur créatif, c'est comme ça qu'on l'appelle, du Red Star, le club, remettait à chaque jeune footballeuse licenciée du club, lors d'une courte cérémonie en plein entraînement et sur la pelouse du stade Boer de Saint-Ouen en banlieue parisienne, le livret blanc. Un petit livret recouvert de cuir avec en titre Red Star Football Club 1897, inscrit en lettres d'or. Il raconte la longue et passionnante histoire du club et du démocrate chrétien Jules Rimet, son fondateur, qui était aussi le promoteur de la première Coupe du Monde de football en 1930. Les premières lignes de ce livret donnent le ton. Le Red Star, ça n'est pas un club qu'un club de football. C'est bien plus que du ballon rond. C'est un blason, un défi, pas une utopie, celle d'un autre football à Paname. C'est cette histoire que raconte le documentaire de ce matin, signé Claire Destacan et Thomas Duterre, avec Yves Rimet, Laurent Lannes, Paul Dietschy, Gilles Saillant, Christelle Quiaveré et David Bellion, ainsi que les jeunes licenciés de ce club. C'est jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Vous déposez les ballons tranquillement contre le mur là-bas. Allez. Tranquillement, que là-bas. Rime. Là, les ballons ici. Ouais, les uns. Les ballons par là, les autres par là. Et vous allez dans le rond central rejoindre Laurent. Riyad, dépêche-toi. C'est froid. Bon, alors, je vous présente un peu toute l'équipe. Donc là, c'est David Bellion. C'est un ancien joueur du club. Et qui s'occupe aujourd'hui, entre autres, de la communication du club. Et c'est lui qui va vous remettre le petit livret vert que chaque licencié du club a reçu ou va recevoir cette année. Et en fait, dedans, c'est quelque chose qui représente toutes les valeurs du club, qui va vous suivre tout au long de votre carrière. Et on l'espère qu'elle sera assez grande de footballeur. Et donc, on est tous réunis ici pour la remise du livret. Voilà, je passe la parole à David. Vous êtes dans un club plus que centenaire, avec des valeurs vraiment de base assez sincères et incroyables pour l'époque à laquelle le club a été créé, parce que c'était basé sur la mixité sociale. Et juste pour vous faire une petite histoire, c'était aussi une association de sport et de littérature. Le Red Star à la base. Et donc ouais, on est ravis de pouvoir vous donner ça. Et je pense qu'il y a un nom pour chaque... Voilà, il y a un nom avec un numéro de licencié que vous gardez à vie. Donc là, par exemple, je prends Arnaud Léona, numéro 651. Voilà, elle n'est pas là. Eh bien, c'est un bon exemple. Tant pis pour elle. En tout cas, ça sera le numéro qui va lui correspondre comme un numéro de licencié tout au long de sa carrière et de la vie. Aussi, il me semble. Donc là, il y a les noms dessus. Allez, encore un trajet, allez. Il y a un nom dessus. Non, c'est pas celui-là. C'est une page. Tu connaissais l'histoire du Red Star avant ? Non, même pas, je vais à peine la lire là. Nous t'écoutons. Le Red Star n'est pas qu'un club de football, c'est bien plus que du ballon rond. C'est un blason, un défi, pas une utopie. Celle d'un autre football à Paname. De son emblème à son stade, en passant par son histoire, son public, ses joueurs et son fondateur, le Red Star est un club à part dans le football français à tous les égards. C'est ici que vous avez signé, voici l'histoire dans laquelle vous vous écrivez. Inscrivez ! T'as du mal toi ! Inscrivez ! Alors parmi vous, il y en a qui connaissaient l'histoire de Jules Rimet déjà ? Je sais que c'est le fondateur du Red Star qui a créé la Coupe du Monde, ça. Ça, je le sais, ça. Mais je connais pas l'histoire, en gros. Allez, mettez-vous là, on fait une photo. Avec David, David, viens. Vas-y, mettez-vous là. Laurent, mets-toi avec elle. Regardez-moi. Allez, Red Star, attendez. Red Star ! Jules Rimet, du Red Star à la Coupe du Monde, Claire Destacan, Thomas Duterre. Là, il y a rien d'intéressant. Non, ça, c'était par proposition du prix Nobel. Parce que pour tout vous dire, depuis 1996, je fais tout ce que je peux pour refaire renaître un souvenir de mon grand-père, parce que, en fait, en Amérique latine, il est connu. En Brésil, il n'avait même pas besoin de passeport. En Uruguay, n'en parlons pas. Yves Rimet. Et il n'y a qu'en France qu'il n'était pas connu. En Allemagne, il est connu. Très étonnant. J'ai essayé, parce que je trouvais que c'était un homme intéressant pour sa culture, alors qu'il était un fils de paysan, hein. Et il est quand même arrivé à devenir avocat, à créer quelque chose. La politique, ça marche pas, c'est pourri. Et là, s'est dit, qu'est-ce qui est assez populaire pour faire passer mes idées? Le football. Et de là, il s'est lancé dans le football. Jules Rimet est né en 1873 dans une petite commune rurale qui s'appelle Telec et à 40 km de Vesoul dans la Haute-Saône. Ses parents étaient agriculteurs. Laurent Lannes. Donc c'est une origine très modeste et si modeste que ses parents sont obligés de quitter la ferme pour venir s'employer à Paris. Et lui reste dans cette commune. Il est en fait hébergé par son grand-père qui exploite un petit moulin. Et le grand-père, suite à la crise économique consécutive à la guerre 1870, est obligé d'arrêter son activité. Mais toute la jeunesse de Rimet est rythmée par ces petits paysans qui viennent apporter le grain au moulin. Donc il est en contact direct à la fois avec des gens simples, et en même temps il prend conscience de la misère et il a un vrai déchirement quand son grand-père arrête son activité. C'est le signe pour lui de monter à Paris, donc de rejoindre ses parents, rue Claire, dans le quartier du Gros Caillou, dans le 7e arrondissement, qui est une enclave populaire de cet arrondissement parisien. Jules Rimet arrive à Paris, il a 11 ans, il fréquente l'école paroissiale La Rochefoucauld, donc il est dans ce milieu catholique, mais en même temps, son père Séraphin est un homme qui a une conscience déjà un peu évoluée d'un catholicisme qui serait pas complètement réactionnaire. Il fréquente les cercles catholiques ouvriers, la question sociale se pose, notamment après la Commune de Paris, sous l'impulsion d'Almer de Mune et René de la Tour du Pin. Donc il est dans cette idée de la question sociale. Donc Jules Rimet grandit dans ce climat d'ouverture. Il a été hébergé, pour ainsi dire, mais moralement, par un homme qui lui a dit « Tu deviens saute-ruisseau et contre cela, je vais te payer tes études. » Et ses études, il a suivi jusqu'au moment où mon grand-père est devenu avocat. Je crois que le grand moment, et c'est absolument décisif pour comprendre la suite de son parcours, c'est la publication par Léon XIII de l'encyclique Rerum Novarum qui va donner à l'Église sa doctrine sociale et également l'encyclique l'année suivante de ralliement qui appelle les catholiques français à se rallier à la République. Et ça, pour Jules Rimet, il a 18 ans. Donc c'est déjà quelqu'un qui est en capacité de réfléchir, de sentir le monde. C'est vraiment l'événement considérable. D'ailleurs, Bernanos, dans le journal d'un curé de campagne, écrit « Pour nous, ça a été un tremblement de terre ». Vénérable frère, salut et bénédiction apostolique. La soif d'innovation, qui depuis longtemps s'est emparée des sociétés et les tient dans une agitation fiévreuse, devait, tôt ou tard, passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'économie sociale. En effet, l'industrie s'est développée et ses méthodes se sont complètement renouvelées. Les rapports entre patrons et ouvriers se sont modifiés. La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. Nous sommes persuadés, et tout le monde en convient, qu'il faut, par des mesures promptes et efficaces, venir en aide aux hommes des classes inférieures, attendu qu'ils sont pour la plupart dans une situation d'infortune et de misère imméritée. Comme gage des faveurs divines et en témoignage de notre bienveillance, nous vous accordons de tout cœur à chacun de vous, vénérables frères, à votre clergé et à vos fidèles, la bénédiction apostolique dans le Seigneur. Léon XIII, le 15 mai 1891, l'an 14 de notre pontificat. C'est l'idée que les catholiques peuvent aller au monde, prendre des positions, participer à une sorte de combat social auprès des ouvriers. D'ailleurs, Jules Rimet, avec des amis qu'il a croisés dans sa jeunesse, dont Jean de Piessac, qui deviendra son beau-frère et qui sera le premier président du Red Star, va fonder une union sociale, mais va aussi créer une revue. Il s'est intéressé à l'homme, je dirais, quand il a créé son journal, Le Sillon, et qu'a fusionné ensuite avec la revue quand il s'est dit qu'il n'était pas capable de faire véritablement de la politique. Et il avait un ami qui, lui, s'était lancé dans la politique. Ils ont voulu faire un genre de démocratie chrétienne avant l'heure, mais qui était très sociale. Le christianisme doit travailler au progrès de tout l'homme. Toute phase du progrès est un pas en avant du christianisme. L'idée inspiratrice du siècle, c'est la dignité de la personne morale. Ce n'est ni la révolution, ni la philosophie qui le donne. C'est le christianisme. Notre objectif doit donc être, non pas seulement de former des chrétiens, mais encore de former une société chrétienne dont les mœurs ne dépendent pas uniquement de la fidélité, plus ou moins grande, des particuliers à leurs pratiques religieuses, mais d'une organisation fortement imprégnée de l'esprit de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous appelons le christianisme social. Paul Reynaudin, Revue, Le Sillon, 1896. Il est dans un univers où il constate que les radicaux ont créé un club qui s'appelle le Gros Caillou Sportif. Alors évidemment, un club radical, on y joue au sport, mais on bouffe aussi du curé à longueur de journée. Et dans l'idée de Jules Rimet, on lui pose la question, il faudrait quand même s'organiser, faire quelque chose, apporter une réplique à ce club. Et Jules Rimet a donc l'idée de créer un club, à l'époque c'est un club omnisport, ce qui deviendra le Red Star. Guidé toujours par, je crois, deux choses qui sont très importantes pour comprendre sa formation intellectuelle. À la fois, la nécessité de rapprocher le monde catholique de la République et en même temps, proposer une alternative à la jeunesse ouvrière dans des mouvements qui ne sont pas des mouvements anticléricaux et matérialistes. Avenue de la Bourdonnaire et rue de Grenelle, voilà, à l'angle. Il y avait le Café des Sports. Gilles Saillant. Et Rimet dit que c'est là qu'il a créé le Red Star, le club, avec son frère Modeste. Et deux amis à lui, il y avait Charles de Saint-Cyr et Ernest Weber. Donc c'était en février 1897, donc dans ce café-là. Ça servait même quelquefois de vestiaire, puisque le premier terrain du Red Star était tout près de là. Il était sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. D'ailleurs, voilà une image. On voit le pied de la Tour Eiffel et le terrain du Red Star. On ne pouvait pas être plus près du symbole de Paris avant de venir à Saint-Ouen. Donc il voulait lui rassembler un peu les classes sociales défavorisées pour les hisser un peu vers le haut. Donc par le sport, il y avait l'escrime. Il y avait le tennis, il y avait la course à pied, le football et le rugby. Seul. Alors le nom du club, évidemment, on pourrait imaginer, quand on ne connaît pas l'histoire, que c'est lié à ce que va devenir Saint-Ouen avec son maire communiste à la Libération. Mais pas du tout. En fait, dans la petite bande qui se réunit sur un coin de table dans ce bistrot parisien, il y a une jeune femme qu'on appelle Miss Jenny, qui était en fait attachée à la famille Rimet, qui est d'origine anglaise comme son prénom l'indique, et qui aussi est excentrique, puisque c'est elle qui va trouver le nom en proposant le Red Star. Alors évidemment, tout le monde s'étonne un peu de ce nom, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'était le nom d'une compagnie maritime anglaise qu'on appelait la Red Star Line. Il y avait une compagnie maritime, la Red Star Line, qui faisait aussi bien Europe, Amérique, mais aussi France et Angleterre, Southampton, Cherbourg, aller-retour, des petites navettes. La mode était au nom anglais aussi, on avait le Racing, le Standard, on avait United aussi. Et le drapeau de la Red Star Line, c'était une étoile rouge sur fond blanc, sur un drapeau blanc. Donc c'est une explication parmi d'autres, mais qui me semble, moi, la plus pertinente. En tout cas, on n'en a pas d'autres. Et Jules Rimet lui-même ne nous a pas donné vraiment d'explication du nom qu'il a donné à son club. Alors, le Red Star, qui se crée en février 1897, est un club omnisport, mais à l'époque, tous les clubs sont omnisports. Il n'y a pas cette spécialisation qui ne viendra que plus tard et qui viendra notamment par l'action de Jules Rimet, qui lui va être convaincu que pour se développer, il faut plusieurs choses. La première, c'est que le football acquiert une autonomie, c'est-à-dire se libère des autres sports et qu'on puisse avoir des clubs qui sont consacrés à un sport. La deuxième idée, et elle est conforme à son engagement de catholique social, c'est que un club doit être un vecteur d'émancipation sociale. C'est-à-dire que l'idée, c'est que un club doit être un lieu de brassage. Toutes les classes, quelles qu'elles soient, peuvent se croiser et faire du sport ensemble. C'est une idée à laquelle Rimet, quand il crée le Red Star, est attaché. Il est attaché également à la culture du sport, puisqu'il va créer une section artistique et littéraire. Donc, si vous voulez, il a une vision globale. Il y avait les sports nobles, soi-disant nobles. Yves Rimet. Donc, des gens qui pouvaient se le permettre, et d'autres qui tapaient un peu dans le football, mais c'était des gens qui étaient plutôt dépourvus. Donc, s'il devait arriver via le sport, il fallait qu'il gagne un peu d'argent. Pour qu'il gagne un peu d'argent, il fallait qu'ils aient certaines bases. Et pour avoir cette base, il fallait qu'ils sachent lire, écrire, calculer. Donc, il fallait avoir une cellule littéraire. C'est dans cette séquence historique, alors qu'on peut imaginer qu'il va faire une carrière politique. Il a un diplôme de droit, il a fait des études de droit, il a créé une petite société de contentieux. C'est un homme qui a donc la sensibilité de son époque. Et d'ailleurs, dans son entourage, un certain nombre de personnes pensent qu'il va se lancer dans la politique. Laurent Lannes. Alors pourquoi il ne le fait pas ? Bon, d'abord, il a ce premier engagement sportif en créant le Red Star. Je pense que c'était une manière plus directe de s'engager. Et ce qui va permettre d'expliquer qu'il ne part pas dans l'engagement politique, c'est la lettre aux évêques du pape en août 1910 qui va condamner la fausse doctrine du Sillon. Le pape considère que le Sillon emmène les catholiques sur une voie qui n'est pas une voie souhaitable pour l'Église, la condamne fermement et d'ailleurs le mouvement va s'autodissoudre. Vénérable frère, salut et bénédiction apostolique. Notre charge apostolique nous fait un devoir de veiller à la pureté de la foi et à l'intégrité de la discipline catholique, de préserver les fidèles des dangers de l'erreur et du mal, surtout quand l'erreur et le mal leur sont présentés dans un langage entraînant qui, voilant le vague des idées et l'équivoque des expressions sous l'ardeur du sentiment et la sonorité des mots, peut enflammer les cœurs pour des causes séduisantes mais funestes. Telles ont été naguère les doctrines des prétendus philosophes du XVIIIe siècle, celles de la Révolution et du libéralisme tant de fois condamnées. Telles sont encore aujourd'hui les théories du sillon, qui, sous leur apparence brillantes et généreuses, manquent trop souvent de clarté, de logique et de vérité. Et, sous ce rapport, ne relèvent pas du génie catholique et français. Ils ne craignent pas de faire, entre l'Évangile et la Révolution, des rapprochements blasphématoires. Plus étranges encore, effrayantes et attristantes à la fois, sont l'audace et la légèreté d'esprit d'hommes qui se disent catholiques, qui rêvent de refondre la société dans de pareilles conditions et d'établir sur terre, par-dessus l'Église catholique, le règne de la justice et de l'amour avec des ouvriers venus de toutes parts, de toute religion ou sans religion, avec ou sans croyance, pourvu qu'ils oublient ce qui les divise. L'Église n'a jamais trahi le bonheur du peuple par des alliances compromettantes. Les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires ni novateurs, mais traditionnalistes. Lettre sur le sillon, 25 août 1910, Pie X. Pour Jules Rimet, je crois que c'est un choc. Ça l'a été quand vous relisez les correspondances ou les textes des gens du sillon, comme Marc Sangier et d'autres, c'est véritablement un choc. Personne ne s'y attend. Et du coup, je pense que Jules Rimet, à ce moment-là, décide de s'investir beaucoup plus profondément dans l'action sportive. Et d'ailleurs, c'est curieux, deux jours après cette lettre aux évêques, lui-même, donc on est le 27 août 1910, il va créer la Ligue de Football Association, qui, dans son esprit, est faite pour autonomiser le football de toutes ces organisations omnisports, de la libérer du carcan de l'amateurisme. Le Football Association, c'est un bon compromis entre un peu de virilité, et on est évidemment dans cette période où on veut reconstruire la masculinité via le sport, et en même temps, Paul Dietschy. Football qui est moins dangereux que le rugby, où il peut y avoir des morts sur le terrain. Puis en même temps, évidemment, un jeu qui attire parce qu'il demande de l'adresse, de la technique, avec deux membres du corps qui ne sont pas forcément immédiatement utilisés pour faire du sport, c'est-à-dire les pieds, hein, shooter dans un ballon, c'est pas forcément naturel, et puis la tête. Alors, il y a toute une série de discours sur le fait que on autorise la tête, c'est pas très rationnel, hein, mais il faut quand même l'utiliser. Et il y a quelques joueurs, justement, qui vont se distinguer, et notamment au Red Star, du point de vue du jeu de tête. 11 joueurs au lieu de 15 par rapport au rugby, bien évidemment. L'appui important des paroisses et de l'église. Donc tout cela fait que c'est un sport qui commence à progresser parce que, d'abord, il y a, à partir de 1909, un périodique spécialisé qui s'appelle Football, qui traite des deux footballs, mais à part égale. Vers 1912 aussi, il y a un numéro spécial de La Vie au Grand Air, qui est l'hebdomadaire un peu chic hein, pour le sport, qui célèbre le succès du football association par rapport au football rugby. Le foot était quand même déjà, par rapport à tous les autres sports, pratiqué par de nombreuses personnes, si ce n'est en France, au moins à l'étranger. Et il s'est dit, bon ben, Yves Rimet, ça demande qu'à se développer, il y a besoin d'un ballon ou d'un chiffon, ça va marcher. Et au travers de ce football, qui sera de masse, je pourrais faire passer mes idées. Et c'était véritablement le but. L'objet de la bataille de Jules Rimet après-guerre, il fait partie du comité national des sports qui est chargé de réorganiser les sports après la guerre. Il a l'idée donc de créer une fédération par sport, c'est le projet qu'il porte déjà avant la guerre, et le CFI va se transformer en Fédération Française de Football Association en 1919. Jules Rimet va en prendre la présidence, c'est ce qui va lui permettre progressivement de conduire son projet vers la professionnalisation du football. Et deux ans après, il prend la présidence de la FIFA, Fédération internationale de football, qui conservera jusqu'en 1954 et qui lui permettra de lancer son projet de Coupe du Monde. Il y a une commission qui est lancée à partir de 1927 et dans laquelle les dirigeants français vont jouer un rôle important, mais pas Rimet. En fait, le dirigeant important, celui qui crée la Coupe du Monde, c'est Henri Delaunay. Pour lui, comme pour Rimet d'ailleurs, il faut une compétition mêlant amateurs et professionnels, et puis surtout une compétition ouverte à toutes les fédérations membres de la FIFA, et donc au monde entier. Et en 1928, au congrès d'Amsterdam, c'est cette proposition qui l'emporte. Donc la Coupe du Monde, c'est la Coupe Henri Delaunay avant l'heure. Sauf que il faut ensuite, évidemment, la mettre en œuvre. Un an après, l'Uruguay obtient l'organisation à l'unanimité, soutenue notamment par des fédérations de l'Europe latine. Mais pour que la Coupe du Monde existe, et elle doit être organisée en juin-juillet 1930 à Montevideo en Uruguay, il faut évidemment que des équipes européennes se déplacent. Et c'est là où Rimet va jouer un rôle important. Rimet va batailler au sein du Conseil fédéral de la Fédération française pour obtenir l'envoi de l'équipe de France, qui n'est pas une très grande équipe à l'époque, mais c'est la France, bien évidemment. Et à la suite de l'équipe de France et de l'équipe de Belgique, il y a aussi les équipes de Yougoslavie et de Roumanie, petite entente en quelque sorte, qui traversent l'Atlantique. Et les Uruguayens vont être évidemment extrêmement reconnaissants à Jules Rimet d'avoir réussi à emmener l'équipe de France. Il y a d'ailleurs aussi des lettres tout à fait intéressantes de l'ambassadeur de France à Montevideo qui découvre tout d'un coup l'influence qu'on peut gagner grâce au football. L'équipe de France est éliminée au premier tour. Elle est soutenue dans son match contre l'Argentine par le public de Montevideo. Mais c'est en quelque sorte Rimet qui permet à cette compétition de naître. Il y a le concepteur qui est Delaunay. Il y a celui qui permet sa mise en œuvre. Et c'est pour cela ensuite que la Coupe du Monde, à partir de 1950, va être appelée Coupe Jules Rimet. Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants des fédérations membres de la FIFA veulent rendre hommage à Rimet, en appelant cette compétition Coupe Jules Rimet. Ah ben voilà. C'était une lettre manuscrite. Il écrivait à ma grand-mère, mignonne. Ça y est, j'ai réussi. J'ai mis le congrès dans ma poche, la Coupe du Monde sera votée. Et il avait mis longtemps pour y arriver à ça. Et c'était le 24 mai 1928. Un succès sur l'idée que se fait Rimet de ce que doit être une Coupe du Monde au service de l'amitié entre les peuples. Il y a du boulot. L'entre-deux-guerres, c'est pas vraiment l'amitié entre les peuples, et c'est plutôt exactement l'inverse. Avec, comme on le sait, les Jeux Olympiques de 1936. Et Jules Rimet va mener sa barque avec la Coupe du Monde, autant qu'il est possible de le faire. Il n'est pas tout à fait satisfait de ce qui va se passer en 1934. En Italie, bien sûr, il y a les morsures de l'histoire. En 1938, l'équipe d'Autriche, qui pourtant était qualifiée pour la Coupe du Monde à Paris en 1938, mais évidemment est mise sous le boisseau par l'équipe allemande, dont certains joueurs d'ailleurs seront intégrés à l'équipe allemande, qui sera sifflée à Paris, et avec des joueurs autrichiens qui, honnêtement, ne joueront pas vraiment le jeu. Mais Rimet, malgré tout, ne tarit pas d'éloges pour Mussolini ni pour Hitler. Il fait avec et il maintient une position de diplomate en considérant que de toute façon, la Coupe du Monde, c'est aussi la Coupe du Monde des peuples, au-delà des gouvernements, et qu'il faut donc poursuivre cet élan. Le tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football a eu lieu dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay, en présence de tous les délégués étrangers. Cet après-midi, au Quai d'Orsay, en présence de M. François de Testan, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, de M. Courson, sous-secrétaire d'État aux Sports et Loisirs, de M. Rimet, président de la Fédération internationale de football, et des délégués étrangers, se déroule le tirage de la Coupe du Monde de football qu'organise la France au mois de juin. Un nombreux public de journalistes et de reporters sportifs suit très attentif les opérations du tirage au sort effectué par un enfant et proclamé par M. Rimet. Tchécoslovaquie ou Bulgarie ? Le tirage au sort du second tour accomplera ainsi les 8-20 heures du premier tour pour fixer le calendrier du second tour. La France rencontrera au premier tour le vainqueur du match Belgique-Luxembourg. En 1954, il va publier un petit opuscule qui est publié par la FIFA qui s'appelle « Le football et le rapprochement des peuples ». En gros, il fait du Norbert Elias sans le savoir. Pour quelle raison ? C'est qu'on y retrouve tout à fait les thèses de Norbert Elias sur le sport. L'idée finalement que le sport est un lieu de régulation de la violence, un lieu finalement où on apprend à maîtriser cette violence et où on apprend finalement à mener une compétition en quelque sorte pacifique. Norbert Elias, notamment, fait un parallèle entre l'invention du sport dès le XVIIIe siècle, le cricket par exemple, les courses de chevaux, et le développement des premières formes de parlementarisme au Royaume-Uni. Dans ce petit livre, cet opuscule, Jules Rimet dit en gros que finalement un match de football, alors, il s'appuie sur notamment la Coupe du Monde 1950, permet aux passions nationales de s'exprimer pendant le match, parfois avec des moments de tension, mais à la fin, tout le monde est d'accord sur l'intérêt du football. Et donc à la fois, évidemment, et c'est déjà une idée exprimée par Coubertin, le football permet à des peuples très éloignés de se connaître, de se rencontrer, de régler pacifiquement certains antagonismes, et finalement, eh bien, qu'est-ce qui triomphe au bout de tout cela ? C'est l'intérêt pour le jeu. Alors, quelle était son idée quand il voulait créer cette Coupe du Monde ? Ramener les gens autour d'une même idée saine, en fait, à l'époque, et qui permettait un certain social. Parce que le professionnalisme existait déjà dans certains pays. Ce n'était pas admis aux Jeux Olympiques. Et mon grand-père voulait que ça soit populaire, donc soit à part les Jeux Olympiques. Et il voulait que ça soit un sport sans lien avec les Jeux, qui est du sport amateur, oui, mais lui voulait un sport, déjà à l'époque, professionnel. Son idée, c'était toujours permettre à un maximum de gens de pratiquer ce sport, de se diriger vers un professionnalisme assez sain, et que ça puisse être une évolution, en fait, pour des gens sportifs, mais très souvent avec un manque de culture et un manque de connaissances littéraires ou scientifiques. Il ne voulait pas d'amateurisme marron. L'amateurisme marron, qu'on appelle d'ailleurs en anglais « shame amateurisme », amateurisme honteux, c'est le fait d'avoir un statut amateur et d'être rétribué sous la table ou sous la forme d'un emploi de complaisance, ou alors sous la forme d'un bar qu'on est censé finalement tenir hors des heures d'entraînement ou de match pour jouer. Ce qui fait que c'est une forme de professionnalisme déguisé, mais qui est en quelque sorte obligé dans les années 1920 parce qu'il y a une forte résistance au sein de la Fédération française de football, notamment de dirigeants venant de la Ligue de Paris, qui s'oppose eh bien, à l'instauration du professionnalisme, alors que celui-ci est déjà en place en Angleterre, en Écosse, et puis s'étend finalement à l'Europe centrale à partir de 1924 et à l'Italie en 1926. Trop fort pour la deuxième division, pas assez pour la première. C'est bien l'image de l'ascenseur qui caractérise le mieux l'histoire des résultats sportifs du Red Star. Pourtant, le Red Star est entré dans la légende du football. Jusqu'à la fin des années 20, le Red Star est un des plus grands clubs de football français. Sacré 4 fois champion de France entre 1920 et 1930, il a offert à son public un spectacle de jeu détonnant grâce à ses joueurs d'exception qui fournissent alors d'ailleurs en grande partie l'équipe nationale. Pierre Chériguès, considéré comme le premier gardien de but de l'histoire du football, il aurait inventé le plongeon. Citons aussi Lucien Gamblin, ou encore Eugène Maes, surnommé Tête d'Or, le premier grand avant-centre, inégalable buteur de la tête. À l'aube des années 30, le Red Star a construit sa légende. Mais je pense pas qu'au Red Star, l'amateurisme marron, c'était vraiment le principal de l'équipe, mis à part Chériguès. Gilles Saillant. J'ai l'impression que c'était l'exception un peu, parce que tous travaillaient, hein, tous avaient un emploi, hein, des petits employés, des ouvriers, des commerçants, un petit peu de tout. Et donc Lucien Gamblin, par contre, racontait qu'il s'entraînait rue de Trévise. Il y avait un gymnase couvert, les joueurs qui travaillaient dans la journée allaient s'entraîner le soir, donc il y avait deux entraînements. Et ceux qui travaillaient la nuit, comme Nicolas, qui travaillait au hall, et donc lui, travaillait la nuit et s'entraînait le jour. Mais Chériguès, à mon sens, était un des rares de l'équipe à être vraiment l'amateur marron. Alors j'ai lu aussi une anecdote qui racontait, comme il était joueur de l'équipe de France, portier international, qu'un jour, pour une sélection, il s'était présenté avec des béquilles à la fédération, en disant « je peux pas jouer ». Sauf si j'ai une prime, et sans prime, je ne peux pas jouer. Et comme il a eu sa prime, il est reparti en courant sans ses béquilles. Donc c'était vraiment, il monnayait ses talents. Mais il est possible que d'autres joueurs aussi aient touché un peu d'argent. Hein. Ce n'était pas le cas unique au Red Star, les autres clubs aussi pour attirer des... Et les meilleurs joueurs français et aussi certains joueurs étrangers devaient monnayer un peu leurs talents. En 1932, lorsque est créé le championnat professionnel de première division, le professionnalisme s'est imposé un peu partout en Europe. La France est un petit peu en retard. Donc l'une des premières raisons qui a pu faciliter le passage au professionnalisme, c'est le fait que pour évidemment avoir une équipe de France de bon niveau, il faut des professionnels, puisque toutes les autres sélections sont professionnelles. Jules Rimet, dans sa jeunesse, a été proche du sillon de Marc Sangnier, donc a partagé une sorte de christianisme social rallié à la République, et avant tout un démocrate. C'est aussi quelqu'un qui estime que le sport est une pratique professionnelle. On le voit déjà pour la boxe, pour le cyclisme. Il n'y a aucune raison, évidemment, que les footballeurs ne le soient pas. Et surtout, et ça c'est un des grands arguments de l'époque, c'est que si on maintient l'amateurisme, eh bien seuls des jeunes gens bien nés, pouvant se passer finalement d'un emploi fixe, pourront pratiquer ce sport au haut niveau. Donc le professionnalisme, c'est d'abord un aspect de la popularisation du football. Et dès ses premiers engagements avec la création du Red Star notamment, bah, Jules Rimet a été un apôtre évidemment d'un sport qui serait populaire. À Périgueux, inauguration par le colonel Pasco et M. Bousquet du stade du Centre Régional d'Éducation Physique et Sportive. Le commissariat général au sport poursuit ainsi, malgré les circonstances, son effort afin de donner au pays un équipement sportif de premier ordre. Les élèves du centre effectuent un parcours d'hébertisme sur une piste qui peut être considérée comme un modèle du genre. Jules Rimet est un homme prudent et en même temps qui ne s'est sans doute pas reconnu véritablement dans une partie de la politique sportive de Vichy. Il reste à la tête de la fédération à l'époque de Jean Borotra, entre 1940-42, mais certainement il est suffisamment prudent et politique pour ne pas montrer son mécontentement. Le but de Borotra, c'est quand même de faire renoncer au professionnalisme le football en 3 ans, en transformant les footballeurs en footballeurs moniteurs, éducateurs, etc. Et puis, lorsque il y a une passation de pouvoir entre Borotra et Pasco, Jeff Pasco qui sera le second commissaire général au sport, lui évidemment beaucoup plus autoritaire, hein, et ça correspond évidemment à l'évolution du régime de Vichy, Rimet eh bien se retirera de la Fédération française de football et attendra évidemment des jours meilleurs pour revenir, c'est-à-dire à la Libération. Thank you. le projet de la Coupe du Monde, c'est un projet qu'il a porté au début un peu tout seul, d'une Coupe du Monde qui serait indépendante de l'olympisme. Et son idée de brassage social à travers le sport, d'amitié entre les peuples, Laurent donc, compte tenu de ce travail titanesque, en quelque sorte, de Jules Rimet, le congrès de la FIFA, en 1946, va décider de nommer la Coupe du Monde trophée Jules Rimet. Et la petite histoire, c'est que le trophée Jules Rimet, dans ce qui était convenu à l'époque, l'équipe qui, la première, remporterait 3 éditions de la Coupe du Monde, conserverait le trophée Jules Rimet, qui est une petite sculpture d'Abel Lafleur. C'est l'équipe brésilienne qui remporte le trophée après 3 victoires en Coupe du Monde. Et ça ira plus loin, puisque la FIFA, considérant le rôle éminent de Jules Rimet, trop méconnu aujourd'hui à mon sens, va proposer de faire attribuer le prix Nobel de la paix à Jules Rimet. C'est un projet qui n'aboutira pas en raison du décès de Jules Rimet en 1956. Le sport français n'a pas forcément une très grande mémoire. Il vit souvent dans le présentisme. Ces grandes figures du sport français n'ont pas toujours été célébrées. C'est le cas de Rimet. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, un certain mépris pour le football association, sport professionnel, sport populaire. On préfère souvent, dans les milieux intellectuels universitaires, par exemple le rugby, qui serait évidemment plus noble. Peut-être aussi, il y a un autre aspect, c'est que Rimet fait briller le football français, mais avant tout sur les tapis verts, dans les salons. Jusque en 58, le football français n'a pas beaucoup, évidemment, de succès. L'un des meilleurs exemples, quand même, c'est le fait qu'il y a beaucoup de stades ou de rues Pierre de Coubertin, qui n'est pas franchement un démocrate et qui n'a pas toujours, évidemment, exprimé des idées aussi progressistes que celles de Rimet. Il y a des stades Jean Bouin, mais finalement, il y a peu d'espace dédié à Rimet. Il y a eu une tentative d'appeler le Stade de France Stade Jules Rimet, ce qui aurait été certainement une bonne idée, mais ça n'a pas eu lieu. Donc on a oublié un petit peu celui qu'on appelait aussi la petite souris blanche, parce que il avait cette capacité à se faufiler, c'était un fin diplomate qui ne parlait que français, mais ça lui suffisait finalement pour se faire entendre. Et d'une certaine manière, ça a été une voie quand même de l'universalisme français qu'on a souvent trop oublié, mais qui ailleurs reste extrêmement connu et respecté surtout. Au Brésil, vous pouvez voyager sans passeport. À l'époque, oui. Mais oui, non, ça, le Brésil, au Brésil, avec Pelé étant un dieu, mon grand-père ayant permis que lui devienne un dieu, j'étais associé. Yves Rimet. Oui, il a fallu inaugurer, baptiser, je sais pas quoi. Donc il y a des rues, des avenues Jules Rimet. Ah, deux ans, faut pas exagérer, il y avait une montre, je sais pas si elle existe toujours. Il y a une avenue, puis ça s'arrête là. En 1947, c'était juste avant de sombrer un petit peu, avant la fusion avec le Stade français. Gilles Saillant. C'était après donc, une dernière finale de Coupe de France en 1946. Et 50 ans, ça se fêtait. C'était quand même un événement important dans la vie d'un club. Et une plaquette a été éditée à l'occasion avec un texte de Jules Rimet. Au début, il dit « 50 ans déjà, comme le temps s'en va vite ». Le Red Star, en effet, est né voici un peu plus de 50 ans, au premier mois de l'année 1897, dans l'autre siècle. Il rappelle, à belle époque, je courais les salles de rédaction pour faire passer dans les journaux des communiqués où l'optimisme, ce mensonge que l'on se fait à soi-même, l'emportait le plus souvent sur la réalité. Et on peut le voir dans les archives, il y avait des pages entières sur le Red Star, aussi bien dans les années 20 que dans les années 30 aussi. Et il finissait en disant « Les dirigeants actuels, dont il ne faisait plus partie, mais il était toujours président d'honneur, hein, alors qu'il était président de la 3F et de la FIFA, les dirigeants actuels, aussi bien que ceux qui les ont précédés, dont je m'excuse de ne pas citer les noms, ils sont trop et je craindrais d'en oublier, ont dignement continué l'œuvre commencée il y a un demi-siècle, et c'est la récompense de ceux qui ont été à ses débuts de la voie robuste et prospère, entre leurs mains expertes, s'engager sereinement vers un avenir sans fin. » Ça va, Elias? Salut mon grand, ça va? Elias, il a fait l'atelier cuisine football création. Christelle, qui est verré? Avec les pros, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'à chaque fois, je mélange des pros. Hein. On s'adapte à leurs entraînements, mais il y a toujours ça, c'est pour créer le lien et. Enfin, toujours, quoi, montrer qu'on est. C'est la Red Star Family, quoi. C'est la famille. Ça, c'est les U13 qui s'entraînent. Ils sont très surveillés par les centres de formation et autres. Mais on a des, ouais, on a des bons joueurs, hein. En fait, l'idée du Red Star Lab, c'était de remettre au cœur du Red Star l'esprit du père fondateur du Red Star, qui est Jules Rimet, qui, quand il a créé le club du Red Star, a créé en même temps une section littéraire, ce qui était très innovant à l'époque. Et l'idée, c'était travailler le corps et éveiller l'esprit. Il y avait des livres et des ballons de foot. Mais en tout cas, l'idée, c'est que si le football, c'est leur cam, et qu'ils ne deviennent pas footballeurs professionnels, il y a d'autres possibilités dans le football, j'en suis la preuve. Certains font partie de ce qu'on appelle le public empêché, donc ils n'y réfléchissent pas forcément. Ils ont en tête le métier de coach, mais pas les métiers des médias, forcément. Pas l'envers du décor d'un club de foot qui fait fonctionner le club de foot, la billetterie, les merchandising et autres. Et donc nous, via la culture, via leur passion pour le football, on essaie de leur faire découvrir ça avec tous les professionnels qui nous entourent, qui se mettent gracieusement à nous apporter leurs compétences et autres. Et les supporters aussi, parce qu'il y en a plein. Hein. J'ai plein d'actions qui sont menées grâce et avec les supporters. Et essayer de réaliser un livre, mais par les enfants, fait par les enfants, qui racontent l'histoire de leur club aux autres enfants. Mais non, l'histoire du club, c'est super important. Le pourquoi de l'étoile rouge, le pourquoi de... Et puis, ouais, qu'ils se rendent compte où ils sont. Le fait, à un moment donné, d'être toujours en éveil, curieux et de faire beaucoup de choses, ça permet quand même, à un moment donné, sur le terrain, d'avoir peut-être une autre ouverture d'esprit, une autre façon de réfléchir sur son partenaire. Il y a beaucoup de choses qui changent. David Bellion. Moi, franchement, si je vois des jeunes dans 5-6 ans ou dans 10 ans, ils disent « Bah moi, j'ai créé ma propre marque de mode », ce qu'on a fait à 3-4 mois, un lab de mode avec une école, on devait faire un maillot, le taguer, le customiser, etc. Et ils comprennent après l'économie, parce qu'on les amène dans une boutique, le circuit, après ils vont chez notre sponsor. S'il y en a, il dit « Bah moi, je vais faire ça parce que peut-être que le foot, ça va pas marcher. » Franchement, c'est énorme, quoi. Très important avec le lab, c'est l'académie, le centre de formation à mettre en place. Et je trouve ça très malheureux parce que je l'ai vécu, il y a beaucoup de joueurs, ils sont sur le carreau à 18 piges et ils savent plus quoi faire. Donc le lab, c'est un peu le début en fait de l'histoire. Les planètes, elles sont pas alignées pareil au Red Star que dans le monde du football, je pense pas. Il faut voir un match pour comprendre que c'est un délire ici, c'est autre chose. Et j'espère personnellement que si on arrive à aller plus haut avec le stade et tout, que ça reste comme ça, quoi. Mon grand-père, pour moi, c'était plutôt celui qui était en sabot, qui m'a appris ce qu'était que la nature et fait connaître les lapins, les poules, c'était beaucoup plus l'homme de la nature. Un rousseauiste. Le seul sport qu'il ait pratiqué, c'est tailler ses arbres à la campagne. Et puis, je vous dis, pratiquer un tout petit peu de basket ou dans les préaux quand il était dans son collège à Paris. Alors, il n'a jamais joué au football ? Non, jamais. Mais il n'était pas sportif du tout. Le sport, c'était un moyen d'accéder à son but, qui était de rapprocher les gens et d'arriver à ce que ceux qui étaient un peu dépourvus puissent, à l'aide de ce sport d'équipe, de pouvoir percer même en dehors du football. C'était Jules Rimet du Red Star à la Coupe du Monde, un documentaire de Claire Destacan et Thomas Duterre. Avec Yves Rimet, petit-fils de Jules Rimet, Laurent Lanne, biographe de Jules Rimet, Gilles Saillant, mémorialiste du Red Star, supporter et archiviste, Paul Dietschy, historien, David Bellion, directeur créatif du Red Star et ancien joueur, et Christelle Quillévéré, responsable du Red Star Lab. Lecture Daniel Koenigsberg. Merci à Nicolas Mello, historien, Vincent Chuté-Mézance, président du collectif Red Star Bauer, Paul Ducassou, directeur de la communication au Red Star, Renaud Leblon, éditeur et écrivain, fondateur du prix Jules Rimet, Gérard Valk, créateur du site allezredstar.com, et Antoine Joubert pour la recherche des archives. Prise de son Gilles Gallinaro et Jean-Guilain Meige, mixage Éric Boisset, un documentaire de Claire Destacan et Thomas Duterre. Voilà pour ce documentaire consacré à la fois à Jules Rimet et au club qu'il a fondé, le Red Star. Il faut préciser que le Red Star a reçu un prix de la Fédération française de football en mai 2018. Le club de l'Étoile Rouge s'est vu attribuer le trophée du projet social club, un prix qui récompense l'engagement social et culturel du club via le Red Star Lab dont on a parlé dans ce documentaire signé Claire Destacan et Thomas Duterre. Si vous voulez réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également la commenter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC. À demain.